boules. Parle-moi de les cercler. 25. J'étais calé à Marconi, visé nom sa main Sylvia. Façon poteau, je suis cramé par les folies, le policia. Maria, je suis compliqué, je suis pas malié. Moi je suis nia, ils veulent salir mon casier. Ouais, ma cousine, à Mexico sous Jackson. Les tech top chez la voisine, ils croient que c'est mon hazy. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas de chez moi, policia? Ouais, ouais. Je suis tendu. Compliqué pour toi. Je vais à leur showcase, ils m'ont invité. C'est bon, ça, je...